rabbin pose et insiste. Un dieu à qui dire je t'aime, oubliant toute tradition. Un seul mot d'ordre, la soumission. Fils d'ouvrier, immigré, Mamadou Abdelatif, ne sont ni chanteurs, ni sportifs. Ils sont chômeurs, enragés. Ils sont chômeurs, enragés. À s'intégrer, jugés pour leur face, jugés pour leur race, au pays de l'égalité, on ne peut réparer tout le mal qui a été fait, mais on pourrait les accepter, comme de vrais Français, comme de vrais Français. See you.